Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Troisième partie, chapitre 6. La vieille Yvonne qui est saoule. Elle était tombée et les gamins lui couraient après. C'était justement en entrant dans la commune de Ploubazlanec, où il y a beaucoup de maisons le long de la route. Tout de même, elle avait eu la force de se relever, et clopin clopant, se sauvait avec son bâton. « La vieille Yvonne qui est saoule !» Et des petits effrontés venaient la regarder sous le nez en riant. Sa coiffe était toute de travers. Il y en avait de ces petits, qui n'étaient pas bien méchants dans le fond. Et quand ils l'avaient vue de plus près, devant cette grimace de désespoir sénile, s'en retournait tout attristée et saisie, n'osant plus rien dire. Chez elle, la porte fermée, elle poussa un cri de détresse qui l'étouffait et se laissa tomber dans un coin, la tête au mur. Sa coiffe lui était descendue sur les yeux. Elle la jeta par terre, sa pauvre belle coiffe, autrefois si ménagée. Sa dernière robe des dimanches était toute salie, et une mince queue de cheveux, d'un blanc jaune, sortait de son serre-tête, complétant un désordre de pauvresse.